Collège de France, les cours sont libres, c'est-à-dire que viennent les écouter les gens qui veulent, n'importe qui. De sorte que, finalement, quel est celui qui est examiné? Quel est celui qui est sous le pouvoir de l'autre? Moi, je dirais qu'au Collège de France, c'est celui qui enseigne. Les cours du Collège de France par Meryl Meneghetti. Il me semblait que une chaire au Collège de France avait pour vocation au naturel, non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Quelles sont les incertitudes proche-orientales dans la deuxième moitié des années 1930, alors que les fascismes poussent leur avantage et que le modèle des démocraties libérales semble en pleine crise? Comment s'affirme un panarabisme radical, et notamment un modèle d'unité arabe autoritaire, prôné par la nouvelle génération d'officiers en Irak, s'interroge l'historien Henri Laurence. Comment la question des minorités se pose-t-elle au Proche-Orient depuis 1919-1920 et comment le Sandjak d'Alexandrette, à la charnière entre l'Anatolie et la Syrie, devient-il un problème? Comment la question palestinienne et les tensions régionales pèsent-elles? Henri Laurence, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Histoire contemporaine du monde arabe, interroge cette semaine l'hégémonie britannique depuis 1926, dans le cadre de sa série pluriannuelle consacrée aux crises d'Orient. Il nous propose un grand récit-analyse sur le mode chronologique et thématique qui nous mène de l'Irak indépendante à la Palestine sous mandat anglais et aux États du Levant sous mandat français dans le contexte des traités syro-français et franco-libanais. Parallèlement, nous avons vu la naissance et l'affirmation du royaume d'Arabie Saoudite et que les modèles de modernisation autoritaire du kémalisme et de l'Iran de Reza Shah séduisent un Proche-Orient travaillé par les mouvements nationalistes arabes et la question des minorités qui a été importée après le premier conflit mondial au moment des traités de paix. Dans le cours précédent, l'historien a présenté les débuts de la révolte palestinienne et je le cite « Depuis 1933, la progression de l'émigration juive permet d'envisager un moment proche où la population juive de la Palestine deviendrait majoritaire, ce qui permettrait démocratiquement de constituer un État juif. Elle entraîne une grande peur dans la population arabe et une radicalisation d'une fraction de cette dernière. Des mouvements clandestins s'organisent dans la perspective d'un soulèvement armé. Face aux événements de 1936, les responsables coloniaux français et anglais sont très inquiets des développements de l'affaire palestinienne. Les révoltés palestiniens font appel à la solidarité du monde musulman et la question y devient un thème de mobilisation politique, note Henri Laurence. Anthony Eden, le secrétaire d'État au Foreign Office en Grande-Bretagne, est préoccupé par les répercussions sur le Proche-Orient et la péninsule arabique. Les routes impériales de communication sont mises en danger et l'Italie fasciste se trouve maintenant en position de force en mer Rouge. Les amis arabes de la Grande-Bretagne proposent leur médiation sur la base d'une suspension de l'immigration juive. Durant l'été 1936, la violence s'intensifie sans qu'une solution politique puisse émerger. Une formule transactionnelle est trouvée pour mettre fin au mouvement le 12 octobre 1936, explique encore Henri Laurence. Ainsi, avec l'accord des Britanniques, l'Égypte, l'Irak et la Transjordanie deviennent parties prenantes dans le dossier palestinien. Le cours précédent s'est achevé sur la commission royale présidée par Robert Peel, qui peaufine son rapport à Londres durant le printemps 1937, tandis que les actes de violence se multiplient en Palestine. Les opposants aux Husseini se rallient à l'idée de faire fusionner la Palestine arabe avec la Transjordanie en cas de partage. Le clivage entre Palestiniens recoupe ainsi celui entre partisans et adversaires des Hachémites. Mais avant de découvrir comment la montée des périls en Europe se répercute sur le Proche-Orient des années 1935-1938, Henri Laurence revient tout de suite sur les objectifs du mouvement sioniste et le contexte complexe du début des années 1930. Nous gagnons le Collège de France le 28 novembre 2018 pour le cours d'Henri Laurence, Les crises d'Orient, l'hégémonie britannique 1926-1956. Aujourd'hui, incertitude au Proche-Orient. Avant de reprendre le cours, je voudrais faire quelques explications supplémentaires sur celui de la dernière fois. Le mouvement sioniste, il cherche avant tout à construire un État juif en Palestine, une installation durable et permanente. Pour se lancer dans un tel projet à partir de zéro, il faut une volonté de faire et quasiment une obsession mentale, c'est-à-dire la priorité absolue à la construction du foyer national juif. Donc ça, c'est un premier point sur lequel il faut bien l'avoir à l'esprit. Donc en 1933, il y a le choix entre une opposition frontale avec le nazisme qui vient d'arriver au pouvoir. C'est la thèse de ceux qui veulent le boycott de l'économie allemande et ceux qui donnent la priorité absolue à la construction du foyer national et qui, eux, sont prêts à passer des compromis, entre guillemets, avec l'Allemagne nazie parce que ça permet d'accélérer la constitution du foyer national juif. Alors, par ailleurs, sans que ce soit évidemment du tout la même chose, depuis longtemps, le mouvement sioniste, enfin depuis Herzl, considérait, surtout Weizmann en fait, considérait qu'il n'y avait pas d'avenir pour les Juifs d'Europe. Et donc, en ce sens, le nazisme ne fait que confirmer ce qu'il pense. Et de ce côté-là, il faut bien penser que le sionisme, encore aujourd'hui d'ailleurs, se considère qu'il y a deux ennemis, pas un. Il y a l'antisémitisme, évidemment, mais l'autre danger, c'est l'assimilation. Donc, il navigue un peu entre les deux pôles. En ce qui concerne le sauvetage des Juifs allemands, qui est aujourd'hui l'argument avancé pour justifier l'accord de transfert, ce n'est pas la préoccupation du foyer national juif à cette époque. D'abord parce qu'ils apprécient relativement peu les Juifs allemands, ils sont bien obligés de les accepter parce qu'ils viennent avec leurs capitaux, ce qui permet de faire venir des Juifs polonais qui sont beaucoup mieux vus dans le foyer national juif. Et on le voit très bien dans le fait qu'au bout d'un certain temps, le foyer national, enfin l'agence juive, considère qu'il faut limiter l'entrée de Juifs allemands à moins de 20 000 personnes par an en Palestine. C'est pas la priorité. Mais évidemment, à ce moment-là, personne ne peut penser une seule seconde qu'on est dans une logique d'extermination, que la Shoah va se produire. Il faut remettre les pendules à l'heure. Certes, en 1933, beaucoup de gens sont horrifiés par l'arrivée des nazis au pouvoir. C'est un régime violent et haineux qui supprime les qualités de citoyens aux Juifs allemands et qui fait enfermer des milliers d'opposants dans des camps, ça c'est vrai. Mais le bilan humain des premières années du nazisme est relativement faible. Il n'y a que quelques centaines de morts de la part du nazisme jusqu'à, disons, 1938. C'est à peu près l'équivalent de l'Italie fasciste à l'époque, qui est Mussolini aussi quelqu'un de tout à fait fréquentable à ce moment-là. Personne ne peut encore, à cette époque, en 1933, imaginez la radicalisation du nazisme qui va commencer à se produire en réalité à partir de l'Anschluss, c'est-à-dire début 38, et puis la nuit de cristal à la fin de 1938. Et quand des Juifs allemands envisagent de faire un autre accord de transfert, non pas avec le foyer national juif, mais avec un autre pays qui accepterait l'arrivée des Juifs allemands, l'agence juive s'y oppose absolument. Donc on voit bien que la logique est avant tout celle de la constitution du foyer national juif, qui évidemment était le projet même des sionistes et qui se heurtait à d'énormes difficultés économiques et matérielles dans cette période. De toute façon, nous aurons l'occasion de y revenir dans la suite des cours. Là, je vous ai laissé dans la montée des périls en Europe, mais évidemment, elle se répercute au Proche-Orient. Donc, 1936-1937 entame un temps d'incertitude dans la région avant que nous le verrons tout à l'heure, la région commence à se mettre en position de guerre à partir de la fin 1938. Alors en Syrie, la grève palestinienne avait mis dans l'embarras le gouvernement du bloc national, parce que le gouvernement voulait à la fois s'attirer les bonnes grâces des Anglais. En plus, Léon Blum était considéré comme un ami du mouvement sioniste, mais d'autre part, ils étaient pris avec leur solidarité arabe. Et c'est comme ça toujours qu'il se passe. Quand on est dans l'opposition, la République est toujours plus belle. Mais quand on exerce le pouvoir, on découvre les contradictions qui est l'essence du pouvoir. Et ce gouvernement du bloc national se heurte justement aux minorités. Les régions qui avaient été séparées de Damas par le mandat français, comme le territoire des Alaouites, celui des Druzes et la Jézirée. La Jézirée, c'est la vallée de l'Euphrate. Donc ces territoires ont beaucoup de difficultés à reconnaître l'autorité du gouvernement de Damas. Et à dire vrai, les fonctionnaires français sur le terrain, qui sont hostiles à l'indépendance, favorisent aussi les agissements des minoritaires face au gouvernement du bloc national. Mais le problème central va devenir celui du Sandjak d'Alexandrette. Et c'est un cas extraordinaire des conséquences de l'importation du modèle des minorités au Proche-Orient, puisqu'on a vu dans les cours précédents que la notion de minorité était absente avant 1914 et qu'elle a été une importation venue des traités de paix d'Europe centrale et orientale de 1919-1920. Je vous le rappelle, au moment où le mandat a été formé, après les accords Franklin Bouillon-Mustafa Kemal, dits accords d'Angora, la France avait accepté de donner un statut spécial à un territoire dans la région d'Alexandrette, donc à la charnière entre l'Anatolie et la Syrie. Alors on a appelé ça le Sandjak d'Alexandrette, mais c'est une création du mandat. Hein. Il n'y avait pas de Sandjak autrement d'Alexandrette. Et la question était que ce territoire de 220 000 habitants n'avait pas de majorité, puisque d'un côté, on pouvait dire qu'il y avait 39% de Turcs, 28% d'Alaouites, 11% d'Arméniens, 10% d'Arabes sunnites, 8% de chrétiens et 4% d'autres, c'est-à-dire des Kurdes, des Circassiens, des Tcherkesses et des Juifs. Et vous notez tout de suite que dans le décompte, on mélange des minorités ethniques, des groupes ethniques et des groupes religieux, ce qui évidemment rend les choses plus difficiles. L'accord de 1921 faisait du turc l'une des langues officielles, mais le traité de Lausanne avait indiqué en 23 que la Turquie n'émettait pas de revendications sur ce territoire. À partir de 1934, le gouvernement d'Ankara encourage une agitation nationaliste turque. Les turcophones sont alors très divisés entre partisans et adversaires du kémalisme. C'est ce qu'on appelait la lutte entre les chapeaux contre les tarbouches. Les chapeaux étaient les kémalistes, puisque le tarbouche avait été interdit comme symbole d'ancien régime dans la Turquie kémaliste, et sous la forme d'occidentalisation, Mustafa Kemal avait imposé le chapeau à la population. Et les conservateurs turcs, eux, conservaient le tarbouche. Donc, non seulement les Turcs sont minoritaires, mais ils sont eux-mêmes divisés entre partisans et adversaires du kémalisme. En tout cas, après le traité franco-syrien, la Turquie exige un statut d'indépendance du Sandjak pour le supprimer, pour le retirer à la Syrie. Alors, dans ce contexte, la presse turque ou les Turcs vont inventer un territoire qui n'a jamais existé. C'est le Hatay, H-A-T-A-Y. Ils vont dire que le Sandjak d'Alexandrette, c'est le Hatay, le Hatay étant la terre des Hittites et les Hittites étant les ancêtres des Turcs. Ce qui évidemment est une équilibration totale, mais c'est au nom des droits historiques à trois millénaires que la Turquie revendique le territoire des Hittites qui est le Sandjak d'Alexandrette. Depuis 40 siècles, ce pays est turc. Les partisans donc ont fait un arbitrage de la Société des Nations qui qui accorde un statut spécial au Sandjak avec une pleine autonomie interne dans le cadre de la Syrie, ce qui provoque les protestations véhémentes du gouvernement de Damas, ce qui exige le respect de l'intégrité territoriale du pays. Et Weizmann utilise l'argument du Hatta et du Sandjak d'Alexandrette pour montrer qu'on peut résister à toutes les demandes, toutes les pressions arabes. Mais donc le nouveau statut est appliqué à l'automne 37. À ce moment-là, à Paris, bon, on n'est plus dans les gouvernements du Front populaire et à ce moment-là, on n'arrive plus à réunir une majorité pour la ratification du traité franco-syrien. En particulier, il y a deux groupes de pression, de lobby, comme on dirait aujourd'hui, qui s'y opposent de façon véhémente. C'est l'armée, les militaires français, et grosso modo, le milieu clérical catholique français qui fait campagne contre la ratification des traités, puisqu'il y a aussi le traité franco-libanais. Alors, d'un côté, pour les cléricaux, il y a l'inquiétude pour l'avenir des chrétiens d'Orient, et pour les militaires, accorder l'indépendance à la Syrie et accessoirement au Liban, c'est donner le mauvais exemple pour l'Afrique du Nord. Donc ce sont les raisons. Alors, en Syrie même, le bloc national essaye de centraliser le pays, mais les Druzes, même avec Sultan El Atrache qui a été autorisé à revenir, Sultan c'était le leader de la révolte de 1925, même là, les Druzes veulent maintenir une certaine forme d'autonomie et les Alaouites encore plus. Alors chez les Alaouites, ils ne veulent pas le retour des grands propriétaires terriens sunnites qui traitaient les paysans Alaouites comme des véritables serfs. Et donc, une partie des Alaouites veulent une autonomie modérée dans le cadre d'une Syrie indépendante. Alors c'est dans ce contexte qu'il y a des pétitions qui demandent le maintien de l'autorité française dans le territoire alaouite. Et bon, tout le monde le raconte, et c'est probablement vrai. Le père de Hafez al-Assad est un des signataires de la pétition demandant le maintien des Français dans le territoire des Alaouites. En Jésiré, c'est le désordre, comme d'habitude d'ailleurs, puisque vous avez des Bédouins, des Kurdes, des chrétiens qui sont en partie des réfugiés du désastre anatolien. Et les chrétiens et les Kurdes sont plutôt opposés à l'autorité de Damas, tandis que les tribus bédouines sont plutôt favorables à l'autorité de Damas. Là, ce sera aussi une règle d'or, puisque jusqu'à aujourd'hui, le régime de Damas, enfin le régime des Assad, s'appuiera sur les Bédouins de l'Euphrate pour contrôler la région de l'Euphrate et aussi les populations de l'Euphrate. Dans la guerre civile syrienne d'aujourd'hui, c'est tout à fait caractéristique. Les minorités qui n'ont pas de territoire, aussi bien chrétiennes que musulmanes, cherchent aussi à se faire reconnaître le maintien de leur statut spécifique de nature culturelle et religieuse. Mais en même temps que l'on revendique un statut spécifique, on exige un partage de pouvoir. C'est ça la question qui est difficile, puisqu'ils demandent une répartition des emplois publics qui donnerait au moins un certain quota de postes publics aux gens de ces minorités. Alors, le pauvre bloc national est obligé de multiplier les concessions, à la fois aux minorités et aux Français qui font des amendements au traité franco-syrien, mais ça rend évidemment le gouvernement de moins en moins populaire en Syrie même. Au Liban, le traité franco-libanais, lui, au contraire, passe sans trop de problèmes. Simplement, on renforce le confessionnalisme, mais en 1936-37, le confessionnalisme est plutôt conçu comme un moyen de protéger les musulmans contre une domination chrétienne. C'est un moment surtout où on voit apparaître différents mouvements politiques de jeunesse, vous rappelez, je vais expliquer, c'est comme en Europe, c'est le temps des chemises au Proche-Orient. Les mouvements de jeunesse portent des chemises de différentes couleurs dans des formes plus ou moins paramilitaires. Alors on connaît en particulier le Parti populaire syrien qui veut une unité syrienne, le PPS d'Antoun Saadé, fondé en 1932, les phalanges libanaises de Pierre Gemayel, les Najada sunnite, etc. C'est-à-dire que chaque communauté, ou dans le cas des PPS, c'est hors communauté, se dote de milices, enfin des milices, ce sont des mouvements de jeunesse qui sont vaguement militaires et qui font des manifestations et qui, dans certains cas, peuvent aller jusqu'à la bagarre. Mais enfin, on n'est pas du tout dans la Moyen-Orient d'aujourd'hui, c'est des bagarres à coups de poing, pas du tout à armes lourdes comme maintenant. Et le débat au Liban est un débat sur la référence ethnique nationale. Est-ce qu'on est libanais, donc c'est le libanisme, centré avec nos ancêtres les Phéniciens? Est-ce qu'on est arabe, c'est donc l'arabisme? Et puis le syrianisme, qui est la troisième version, troisième pôle d'attraction. Et beaucoup de jeunes des années 1930 et 1940 qui formeront ensuite l'armature intellectuelle et politique du Liban de l'après-guerre ont été formés à l'intérieur du PPS, même si après, passés 20 ans, ils sont devenus tout à fait autre chose. Bon, un peu comme en France, on retrouve des tas d'anciens trotskistes un peu partout. Mais ça donne quand même d'excellentes formations politiques. Donc, on a politisation des classes moyennes et populaires, mais grosso modo, on a entente entre notables. Le mécanisme qui est en train de se produire, c'est la réflexion des sunnites de Beyrouth. Ils ont compris qu'on pouvait à la rigueur rendre Tripoli à la Syrie, et éventuellement le Liban Sud, mais ça ne les intéresse pas beaucoup, mais surtout Tripoli qui est sunnite, majoritairement. Eux, à Beyrouth, ils resteraient dans l'État libanais, donc ils n'ont pas d'intérêt à jouer les cartes du rattachement à la Syrie, mais plutôt de l'intégration à l'État libanais. Et c'est donc le début, enfin c'est cette nouvelle ligne politique qui est marquée par celle de Riyad al-Sadr qui va exprimer ce rattachement presque par défaut au Liban des élites sunnites de Beyrouth. En Irak, on a le fils de Faisal qui est devenu roi en 1933, donc Razi. Il a succédé à son père à l'âge de 21 ans. Il n'est pas vraiment intéressé à la gestion quotidienne de la politique et il montre, disons gentiment, un caractère un peu instable. Enfin, surtout ce que disent les Britanniques, parce qu'ils considèrent toujours comme mentalement instable tout souverain arabe qui conteste leur autorité. Ça, c'est un réflexe en fait général. Donc, Razi se retire un peu de la vie politique, mais son nationalisme irakien et son hostilité britannique lui donnent une grande popularité. L'élite sunnite continue de gouverner le pays avec les chiites, avec donc des problèmes de répartition des moyens. Les sunnites veulent absolument renforcer l'armée irakienne, tandis que les chiites veulent plutôt des grands travaux hydrauliques pour développer l'agriculture. Alors on a un jeu assez instable de manipulation politique et de répression militaire. Et puis en octobre 1936, on a un coup d'État, le premier du monde arabe, donc il faut le noter quand même, qui est mené par, on a déjà parlé de Bakr Siddiqui, qui prend le pouvoir, celui qui avait réprimé la révolte assyrienne dans le sang, et il le fait en octobre 36 en collusion avec une partie de la classe politique. Sa ligne, lui-même est d'origine kurde, sa ligne est très souvent orientée vers la Turquie et l'Iran, dans la continuité d'ailleurs de la politique de Faisal, qui était une politique de bon voisinage. Ce qui va amener à la signature du traité de Sardabad en 37, qui marque l'alliance un peu de la Turquie, de l'Irak et de l'Iran, mais dont le but caché, évidemment, est de contrôler les mouvements kurdes dans les trois pays. Alors, Siddiqui se présente aussi comme un réformateur social. Il s'appuie même un moment sur un groupe de jeunes radicaux, des premiers socialistes irakiens, disons, socialistes réformistes, qui participent un moment à son pouvoir et qui lui donnent donc ce vernis de réforme sociale, ce qui provoque la protestation des grands propriétaires fonciers et des officiers. Et en juin 37, les réformistes quittent le gouvernement. Et finalement, Sidki est assassiné en août 1937 par des militaires arabistes. Et dès lors, la vie politique irakienne va être dominée par un petit groupe d'officiers, en particulier les quatre colonels, qu'on appellera le carré d'or. Donc, un petit groupe d'officiers nationalistes arabes, sunnites, qui imposent aux différents gouvernements qui se succèdent une lignée politique totalement arabiste. Leur idéologie est claire. Ils veulent l'unité arabe sur un mode autoritaire. De leur pensée, l'Irak, c'est la Prusse ou le Piémont de l'Orient arabe. Et donc, comme la Prusse avait fait l'unité allemande et le Piémont l'unité italienne, c'est à l'Irak de faire l'unité arabe, y compris par la force, comme l'Italie et l'Allemagne. Ils ont le modèle des unités allemandes et italiennes à l'esprit. Ça permet le retour au pouvoir de Nouri Saïd en 1938, en décembre 38, puisqu'après tout, Nouri Saïd est à ce moment-là identifié à une ligne très arabiste pouvoir. Quant au roi Arwazi, lui, il s'enferme un peu dans son palais. Il a découvert quelque chose de nouveau qu'est la radio, et il s'adresse à son peuple directement à la radio, à partir d'un émetteur dans le palais, et il développe un discours de plus en plus radical, exigeant par exemple que le Koweït revienne à la mère patrie irakienne. C'est de Razi que date la revendication irakienne sur le Koweït. Le roi meurt dans un accident de voiture en avril 1939. Immédiatement, la population y voit un complot britannique et la protestation populaire est telle que des émeutes conduisent au massacre du consulat britannique à Mossoul, qui montre maintenant combien la détestation de la domination britannique est forte dans la population irakienne. Comme le jeune roi Faisal II n'a que 3 ans, c'est le prince Abdullah, le fils du roi Ali du Hedjaz et frère de la reine mère qui devient régent. La fin des années 30 montre clairement les contradictions du projet étatique irakien. La génération des fondateurs avait connu de près la politique des jeunes turcs, ils avaient été ensemble à l'école, et la révolte arabe et les accommodements difficiles avec la puissance hégémonique. Leur but était de créer un État et par-delà l'État, une nation. Et la monarchie avait réussi à fédérer une coalition de notables et de propriétaires fonciers, souvent des chefs tribaux, dont les intérêts matériels dépassaient le clivage sunnite-chiite. Et de façon générale, le groupe des anciens officiers de l'armée ottomane cimentait le système, puisque de façon très curieuse, n'est-ce pas, beaucoup de ces officiers devenaient de grands propriétaires fonciers grâce à l'aide discrète et généreuse de la monarchie. Donc leurs intérêts matériels correspondaient aussi à celles des grands propriétaires fonciers. Donc ils veulent enseigner un nationalisme doctrinal, ce qui, évidemment, comme je l'ai déjà indiqué, provoque des clivages entre sunnites et chiites, ne serait-ce que sur les interprétations du premier siècle de l'islam, puisque les nationalistes arabes sont généralement pro-omeyyades, tandis que les chiites haïssent les omeyyades comme des usurpateurs. Mais le résultat de tout ça, c'est d'avoir créé une classe de jeunes éduqués, issus des classes moyennes, qui n'a pas connu les événements de la guerre et de l'après-guerre, ou qui étaient trop jeunes à ce moment-là, et pour qui les Britanniques ne sont pas des partenaires, mais des ennemis, des occupants. Ces jeunes gens représentent qu'un groupe numériquement faible de la population irakienne, mais comme ils sont éduqués et que l'État irakien se développe rapidement, ils seront largement recrutés dans un appareil d'État qui devient de plus en plus important en Irak. C'est le cas en particulier de la nouvelle génération des officiers. La première génération, ce sont les anciens officiers de l'armée ottomane. Maintenant, ce sont ceux qui sont formés dans l'Irak mandataire. Ces nationalistes convaincus, comme je l'ai dit, sont des autoritaires qui veulent l'unité arabe. Il faut avouer que le parlementarisme en Irak n'était qu'une forme extérieure de libéralisme. C'était un système de notables locaux marchant dans leurs appuis aux différents gouvernements et s'inscrivant dans un jeu de factions politiques autour des personnalités dominantes. D'où le fait qu'on a à la fois une grande instabilité ministérielle et une stabilité du personnel politique. Un simple exemple, de 1930 à 1958, Nuri Sahid sera 14 fois Premier ministre et 52 fois ministre. Donc on voit la permanence du personnel dans une succession extrêmement rapide de ministères. Il n'y a pas à proprement parler de partis politiques, mais des groupes, des clubs, dont le plus important c'est le club Al-Mufana, qui est un club nationaliste arabe qui réunit ces jeunes intellectuels autoritaires. Là encore, pas d'erreur, s'il vous plaît. Ces nationalistes arabes ont d'abord à l'esprit ce qui est voisin, c'est-à-dire la Turquie kémaliste et l'Iran de Reza Pahlavi, de Reza Shah, qui ont su affranchir leur pays de la domination impérialiste et les engager dans la voie de la modernisation. Ces nationalistes voient dans la France et la Grande-Bretagne des ennemis, d'où ce fait qu'ils ont tendance à avoir une certaine sympathie pour les ennemis des ennemis, c'est-à-dire, dans la fin des années 30, pour l'Italie fasciste et pour l'Allemagne nazie. Cela dit, et une fois pour toutes, enfin, je rencontrerai encore un nez, l'Italie fasciste ne plaît pas. À cause de la répression en Libye, l'image de l'Italie fasciste est absolument catastrophique dans le monde arabe, et tout le monde pense que l'ambition de l'Italie, c'est pas de libérer les Arabes, mais au contraire, d'être une nouvelle puissance impériale. L'Allemagne nazie plaît plus, mais on ne la connaît pas. On ne la connaît pas parce que d'abord, Hitler n'est pas du tout intéressé dans le monde arabe, comme je l'ai déjà dit, il n'y a pas de politique arabe de l'Allemagne nazie. Et d'autre part, les interlocuteurs que les Arabes peuvent avoir en Allemagne sont en général les anciens du Jihad Minute Germany de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire des anciens du régime impérial et non pas des acteurs du régime nazi, même si, évidemment, ils se sont convertis au nazisme. C'est donc dans ce contexte qu'on va avoir la reprise des luttes internationales avec la question du premier plan de partage de la Palestine. Collège de France et France Culture vous présente l'historien Henri Laurence, Les crises d'Orient, l'hégémonie britannique 1926-1956, aujourd'hui, incertitude au Proche-Orient. Si à partir du milieu des années 30, les relations internationales sont dominées par le fascisme au sens générique du terme et l'antifascisme au sens non moins générique du terme, il faut bien comprendre que dans l'Orient arabe, cela n'a aucun sens. Comment voulez-vous être antifasciste quand les puissances impériales et coloniales sont la France et l'Angleterre ? C'est-à-dire pas des domaines de démocratie dans leur domination du monde arabe. Les grands partis politiques de la région, comme le Waft en Égypte ou le Bloc national en Syrie, se heurtent constamment à la puissance hégémonique ou coloniale qui intervient dans les élections même pour les truquer. Donc les leçons de démocratie libérale, c'est un peu difficile à admettre. Il faut ajouter, ça c'est quelque chose qu'on a du mal à faire comprendre souvent au public, que dans la fin des années 30, affirmer le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, c'est pas la mode. Parce que la seule puissance en 1937-38 qui parle du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, c'est l'Allemagne nazie. C'est l'argument qui sert à l'Allemagne nazie pour revendiquer la fusion avec l'Autriche, l'annexion des Sudètes tchèques et des populations allemandes des Pays-Baltes. Et donc, il y a une forte réticence dans le plan du droit international à utiliser la carte du droit des peuples. Le droit des peuples va revenir durant la Seconde Guerre mondiale, mais dans les années 30, il est en retrait. Le modèle libéral européen, indépendamment des politiques impériales, n'a pas de grande attractivité. Ce n'est pas la situation de 1920. En 1920, c'était la France républicaine et l'Angleterre libérale qui avaient gagné la guerre. C'était donc des modèles de réussite. Dans la perception extérieure, dans les années 30, ce qu'on a appelé la crise des démocraties, la France et l'Angleterre apparaissent comme des puissances essoufflées qui perdent progressivement tous les avantages acquis au traité de Versailles. Et en revanche, l'Italie fasciste et surtout l'Allemagne nazie apparaissent, selon la propagande allemande, comme le triomphe de la volonté. Et donc là, il y a une opposition entre le dynamisme des fascismes au sens générique du terme et, entre guillemets, l'impuissance des démocraties dans cette période. Alors certes, il ne faut pas se tromper, en réalité, l'économie britannique, après la crise de la livre en décembre 31, est en train de se restaurer grâce à la politique de préférence impériale, la dévaluation de la monnaie. Mais ce qui se passe, c'est les équipes gouvernementales semblent prises au piège du pacifisme dominant dans les opinions publiques, ce qui les amène à être inefficaces devant l'agressivité croissante des régimes fascistes, comme le montrent d'abord, enfin successivement, la remilitarisation de la Rhénanie en mars 36, puis ensuite la guerre d'Éthiopie et la guerre civile espagnole. L'Union soviétique est trop loin pour proposer une autre solution. Nous avons vu, elle est protégée par les traités d'amitié conclus au début des années 20 avec la Turquie, l'Iran et l'Afghanistan, mais elle est loin de la région et les premiers marxistes recrutent essentiellement dans les minorités et non pas dans le corps général de la population. Cela dit, dans la guerre d'Espagne, nous avons quand même quelques volontaires arabes qui se battent dans les brigades internationales, mais les républicains n'aiment pas du tout les arabes parce que les arabes sont assimilés aux morts, c'est-à-dire aux Marocains du Rif qui servent dans l'armée de Franco et qui commettent des exactions épouvantables durant la guerre d'Espagne. Les troupes de choc de Franco, ce sont des Marocains du Rif, ce qu'on a tendance à oublier aujourd'hui. Donc, là encore, ça donne plutôt une image des Arabes assez négative. Alors, à la fois, si vous prenez par exemple chez Malraux dans L'Espoir, publié en 1937, vous avez un personnage qui s'appelle Saïdi, qui est un militant arabe dans les brigades internationales, mais un autre personnage de L'Espoir dit cette chose, l'islam en tant qu'islam, en tant que communauté spirituelle, est à peu près entre les mains de Mussolini, les Français, les Anglais encore, les cadres administratifs de l'Afrique du Nord, mais l'Italie en tient le cadre religieux. Agitation du Maroc français, Libye, agitation en Palestine, Égypte, promesse de Franco de rendre à l'islam la mosquée de Cordoue. Donc ça, c'est un extrait de L'Espoir de Malraux, mais qui montre bien qu'on a la perception à l'époque, même si elle est fausse, que beaucoup de musulmans ou d'arabes semblent orientés vers les puissances de ce qui veut bientôt être appelé l'Axe. Alors, l'impopularité de Mussolini était totale au départ. En Palestine, Ajamin avait mené des campagnes contre les atrocités commises par les Italiens, ce qui avait amené des protestations de l'Italie auprès des autorités mandatées. Mais à partir du milieu des années 30, l'Italie fasciste va tenter une opération de séduction des élites arabes et des opinions publiques, ce qui donnera des résultats assez contrastés. D'un côté, visiblement, un certain nombre d'hommes politiques arabes ont pu être achetés par le régime fasciste pour prendre des prises de position favorable à l'Italie fasciste, en particulier le cas de Shakib Arslan, bien que ce ne soit pas quelque chose que les nationalistes arabes aiment rappeler aujourd'hui. Autre chose plus importante, c'est le début des émissions radiophoniques en arabe. Ceux qui ont ouvert le feu, c'est l'Italie fasciste avec Radio Bari qui émet en arabe à partir de 1937. Mais là encore, on n'arrive pas à connaître l'impact des émissions de Radio Bari. Tout le monde dit que c'est écouté, mais il faut bien penser qu'il n'y a que quelques milliers de postes radio dans l'ensemble du Moyen-Orient dans cette période. L'équipement radiophonique n'a rien à voir avec l'équipement radiophonique présent en Europe à la même époque, je parle en nombre d'appareils. En tout cas, Radio Bari suffit à provoquer une véritable psychose chez les milieux coloniaux français et britanniques qui surestiment probablement la portée. Durant les événements de 1936 en Palestine, l'Italie fasciste a joué aussi bien sur les sionistes de droite, le mouvement révisionniste, que sur les Arabes. Et une petite aide financière avait été accordée au mouvement arabe. C'est à partir de la seconde visite de Duce en Libye, en mars 1937, que l'Italie se présente comme l'ami de l'islam. Il se fait même offrir par un notable arabe une épée de l'islam qui, évidemment, a été forgée à Florence, qui montre son amitié sur son cheval noir, parce qu'il n'y a pas de cheval blanc, comme vous voyez sur la photo, Mussolini dressant l'épée de l'islam. Mais tout ça, c'est ce que j'appellerais un élément supplémentaire dans la chaîne d'orientalisme de pacotille, lors des déclarations de Bonaparte en Égypte en 1798 et les discours de Guillaume II avant 1914. Et ce charlatanisme, comme les autres cas, a très peu d'efficacité, très peu d'impact. Il faut bien comprendre que l'une des raisons qui motive le rapprochement entre l'Italie fasciste et l'Allemagne nazie, c'est que l'Allemagne n'a aucune revendication en Méditerranée et qu'au contraire, Hitler est prêt à concéder à Mussolini sans aucun problème la domination de la Méditerranée. Sur cette base, l'Italie a accepté l'Anschluss, c'est-à-dire l'unité entre l'Autriche et l'Allemagne. Et du coup, à partir de la guerre d'Éthiopie, l'Italie fasciste se nazifie en quelque sorte en adoptant une idéologie raciale qui était absente à l'origine. Donc des lois raciales vont être édictées en Italie dans le domaine colonial pour interdire toute relation sexuelle entre Italiens et indigènes, donc entre autres le mariage évidemment, et des lois raciales frappant les Juifs italiens à partir de 1938, ce qui met évidemment fin au contact qui existait entre les mouvements sionistes et l'Italie fasciste. Alors, il faut bien comprendre que si quelques morceaux, débris anciens, comme vous voulez, de l'Allemagne impériale rêvent toujours de reprendre la politique de Guillaume II en Orient, c'est-à-dire une politique islamique, ça ne correspond pas aux visions géopolitiques et raciales de l'Allemagne nazie. La priorité en politique extérieure de l'Allemagne, c'est de rendre l'Allemagne vide de juifs, d'où l'accord de transfert qui avait été conclu. Et cet accord de transfert permettait aussi de répandre les marchandises allemandes sur le marché proche-oriental. La recherche de l'espace vital, c'est en Europe centrale et orientale qu'il est recherché, c'est pas vers la Méditerranée, ni vers l'ancien empire colonial. D'abord parce que Hitler est plutôt favorable aux empires coloniaux européens qui sont la marque de la supériorité de la race blanche et qui n'a aucune sympathie pour les peuples dominés. D'abord, ils n'ont pas à se faire dominer. Certes, à partir de 1936, dans certains de ses discours, il évoquera la nécessité de rendre à l'Allemagne certaines des colonies perdues durant la Grande Guerre, mais c'est dans une vision purement économique. Ce n'a pas du tout un projet nazi. Ce sera la grande illusion de Neville Chamberlain, le premier ministre britannique, de croire que l'on pourrait avoir la paix en Europe en rétrocédant des territoires coloniaux à l'Allemagne nazie. ce qui refera plusieurs tentatives de Chamberlain dans ce sens, mais ça n'intéresse pas du tout le régime hitlérien. Dans le système racial des nazis, les Arabes n'ont pas bonne presse. Ils sont définis par un manque d'énergie et d'organisation. Et durant la révolte, enfin la grande grève de 36 en Palestine, l'Allemagne s'était tenue dans une politique de stricte neutralité. Certains idéologues du nazisme s'inquiètent du risque de constituer un État juif, mais pour Hitler, la priorité, c'est l'accord de transfert, qui n'est pas du tout remis en cause. Donc, la question d'une éventuelle attraction du modèle totalitaire européen sur le monde arabe doit d'abord prendre en compte que les gens lettrés, y compris dans les classes moyennes, ne constituent qu'une petite minorité de la population. En Irak, le tirage moyen de la presse dans les années 30 est de l'ordre d'une dizaine de milliers d'exemplaires par jour. En Égypte, quelques dizaines de milliers. On n'est pas du tout dans ce qu'on aura après la Seconde Guerre mondiale, des presses avec des tirages de plus d'un million d'exemplaires. Les clubs nationalistes dans les différents pays sont en relation régulière, mais les adhérents ne se comptent qu'en quelques centaines. Le rejet de la domination étrangère est un puissant instrument de mobilisation populaire, mais on n'a pas besoin d'importer une idéologie pour faire cela. Les débats politiques, quand on les connaît, quand on retrouve les délibérations des clubs arabes dans la période, montrent une forte hostilité au fascisme et au nazisme et le maintien de la prégnance du modèle libéral parlementaire et en plus l'apparition de premiers mouvements de gauche réformistes, mais alors là, très très minoritaires dans cette période. Il y a aussi quelques communistes essentiellement dans le mandat français. Ils dépendent d'ailleurs du Parti communiste français. Et ces communistes, ils suivent aveuglément la ligne de l'antifascisme définie par l'Internationale à partir de 1935. En fait, pour ce qui est du mandat français, l'influence la plus forte vient des courants personnalistes français, Emmanuel Mounier, le groupe Esprit, etc., qui rejettent le capitalisme libéral et l'individualisme, comme le totalitarisme de gauche ou de droite. Dans les phalanges de Pierre Gemayel, l'influence des personnalistes français est forte. Elle est aussi assez importante chez les fondateurs de ce qui deviendra après, dans les années 40, le Parti Baas en Syrie. C'est tout à fait normal, puisque les intellectuels syriens et libanais font leurs études supérieures en France, et ce sont les milieux qu'ils fréquentent en général. Alors, il y a une autre dispute. Est-ce que le personnalisme des années 30 était un mouvement démocratique? Ça, c'est un autre problème qui dépasse mes compétences. Ce qui compte, c'est l'influence de ce courant de pensée chez les nationalistes arabes de Syrie et de Liban. Alors, dans ce contexte, le rapport de la commission Peel, vous rappelez, avait amené l'idée d'un projet d'appartage de la Palestine. Les Husseinis y étaient farouchement hostiles, les Nachashibis y étaient plus intéressés, dans la mesure où ils voyaient bien cette partie de la Palestine indépendante rattachée à la Transjordanie, où ils auraient un rôle dominant et en même temps se débarrasser des Husseinis. En revanche, le mufti cherche à rallier à lui l'opinion publique arabe et mobilise tous les réseaux nationalistes arabes en Palestine et à l'extérieur de la Palestine. Le rapport de la commission est publié le 7 juillet 1937. Il marque qu'il est impossible de faire émerger une identité commune entre juifs et arabes. Et en fonction des différents scénarios d'immigration, on considère que les Juifs pourraient devenir majoritaires entre 1947 et 1960. Les deux obligations du mandataire envers les Arabes et envers les Juifs sont donc contradictoires. La cantonalisation, c'est-à-dire de faire de la Palestine un pays divisé en cantons, soit arabes, soit juifs, n'est pas possible parce qu'elle implique la permanence d'un arbitre britannique pour trancher des querelles. Donc le plan propose un partage de la Palestine. La première partie serait considérée comme une enclave qui resterait mandataire autour de Jérusalem et allant jusqu'à Jaffa. La seconde serait donc un État juif dans le nord de la Palestine avec la totalité de la Galilée, et tout le sud de la Palestine constituerait l'État arabe. Alors cette carte, elle a d'abord été faite en fonction de la répartition des populations, puisqu'il y aurait dans l'État arabe que 1250 juifs. Mais en revanche, il y a 225 000 arabes dans l'État juif. Et donc le plan Peel propose ce qu'ils appellent gentiment une opération chirurgicale, d'échanger 225 000 arabes contre 1250 juifs pour qu'il y ait des populations homogènes. Le gouvernement britannique accepte le principe, mais non pas les détails du plan. C'est-à-dire qu'il accepte le partage, mais pas la proposition géographique de partage de la Commission. Les responsables britanniques voient là un règlement raisonnable, puisque les aspirations nationales des deux parties seraient réalisées. Des moyens militaires conséquents seront mis à la disposition des autorités pour briser d'éventuelles révoltes. On imposera par la force le partage et les transferts de population. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'interlocuteur arabe. Les Nashashibis, ils avaient leur base politique essentielle sur le littoral. Or, ce littoral passe à l'État juif. Et donc, ils veulent bien un partage, mais pas sur cette base. Quant aux Husseinis, ils sont farouchement contre. Du côté sioniste, on est évidemment d'accord pour avoir l'État juif, l'expropriation des terres arabes et l'expulsion, on dit gentiment transfert, des populations arabes. Mais on trouve que le territoire proposé est largement insuffisant. On veut aller beaucoup plus au sud, en particulier avoir le désert du Negev. Donc on a une tension qui monte à partir de la publication du rapport, et les uns et les autres appellent à la solidarité internationale. Le Haut Comité arabe demande le soutien des Arabes et des musulmans. Le Saint-Siège s'inquiète pour les lieux saints et les minorités chrétiennes. Les États-Unis s'en tiennent dans une position de neutralité parce qu'ils ne veulent pas s'impliquer, c'est l'époque de l'isolationnisme. Les autorités coloniales françaises décryptent immédiatement une manœuvre sournoise de la perfide Albion destinée à faire fusionner la Palestine arabe avec la Syrie devenue indépendante. Ils n'ont pas tort. À force d'être paranoïaque, on finit par découvrir certaines vérités. Le gouvernement français donc de Chotan, dans la ligne du Front populaire, se félicite qu'il n'y ait pas de couloir arabe-musulman entre l'État juif et le Liban chrétien, en voyant pas qu'au Liban sud, il y a des populations chiites. Mais ça, il ne faut pas demander trop de choses. Mais il s'inquiète du soutien britannique au panarabisme. Quand la délégation britannique parle devant la commission des mandats en août 1937 à Genève, les Anglais expliquent que le nouvel État palestinien, dans la mesure où c'est un État palestinien qui n'aura pas Jérusalem, Jaffa et Haïfa, c'est-à-dire les trois premières villes arabes, ce serait bien d'appeler ça non pas Palestine, mais Syrie du Sud. Ce qui était à peu près mettre le drapeau rouge devant le taureau français, parce que Syrie du Sud, ça veut dire intrigue britannique sur l'ensemble de la Syrie. Alors, les nationalistes arabes décident de tenir un congrès en Syrie, ce que les Français acceptent à condition que les dossiers syro-libanais ne soient pas évoqués. Si c'est pour montrer aux Anglais que, oui, c'est pas mal le nationalisme arabe, surtout quand ça vous fait des ennuis. Ça, c'est un peu de revanche française par rapport aux années 20. Donc, le congrès de Bloudan, à côté de Damas, s'ouvre le 8 septembre 1937. Les délégués sont palestiniens, libanais, syriens, irakiens et égyptiens. Les résolutions votées le 10 septembre insistent sur l'identité arabe de la Palestine, le refus du partage de l'État juif, l'abolition du mandat, l'arrêt de l'immigration juive. Le Congrès proclame que la continuation de l'amitié et de la cordialité entre les deux peuples arabes et britanniques sera subordonnée à la réalisation des revendications susmentionnées et que si l'Angleterre persistait dans sa politique en Palestine, elle condamnerait tous les Arabes à adopter des orientations nouvelles. En outre, l'entente entre les Arabes et les Juifs ne saurait avoir lieu sur cette base. Du coup, maintenant, ce sont les Britanniques qui commencent à s'inquiéter de cette mobilisation politique arabe. Puisqu'on voit en particulier en Égypte un mouvement qui n'a que quelques années d'existence comme les Frères musulmans, développer une propagande très hostile au sionisme, mais qui consiste largement à s'en prendre à la communauté juive du Caire, y compris par la violence. Donc on voit là un facteur inattendu pour les Britanniques, j'entends, de leur politique palestinienne. L'Arabie saoudite s'inquiète comme d'habitude du risque de fusion de la Palestine arabe avec la Transjordanie, ce qui renforcerait le bloc hachémite qu'elle a sur ses frontières. Problème sempiternel de l'Arabie saoudite, c'est qu'elle se sent en permanence encerclée par ses voisins et sous la menace de ses voisins. Si vous ne comprenez pas la politique saoudienne, on ne voit pas qu'il y a toujours un voisin qui est un ennemi dangereux. Alors, il faut bien voir qu'à partir du début de 1937, des mouvements clandestins en Palestine organisent un vaste soulèvement. Ce soulèvement s'appuie sur les régions du nord, parce que tout simplement, comme vous l'avez vu sur la carte, c'est les territoires qui sont promis aux États juifs, les populations arabes devant être transférées. Il est difficile dans l'état actuel des sources de connaître la relation entre la mufti de Jérusalem et les mouvements qui préparent l'insurrection. Ce qu'on sait, c'est que le mufti a réussi à obtenir une aide financière régulière de la part de l'Italie fasciste, mais ça ne dépasse pas de l'argent parce qu'on n'a réussi pas à faire de la contrebande d'armes, puisque les Français et les Anglais contrôlent toutes les côtes de la région. Il est difficile de faire parvenir des armes aux Arabes de Palestine. L'Italie fasciste a tenté par le biais de l'Arabie saoudite de faire passer des armes en Palestine, mais ça n'a pas vraiment marché. C'était les cours du Collège de France où vous venez d'écouter le 28 novembre 2018 l'historien Henri Laurence, Les crises d'Orient, l'hégémonie britannique 1926-1956, aujourd'hui Incertitude au Proche-Orient. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours d'Henri Laurence. L'historien a notamment publié « Les crises d'Orient, questions d'Orient et grands jeux 1768-1914 » chez Fayard en 2017 et il va publier prochainement le tome 2 de ces crises d'Orient sous le titre « La naissance du Moyen-Orient 1914-1949 ». Iconographie web Claire Poinsignon. Réalisation Laure-Hélène Planchet. Présentation Meryl Moneghetti. Lundi, nous poursuivrons notre exploration des crises d'Orient à la fin des années 1930 en compagnie d'Henri Laurence. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Je vous souhaite une agréable journée à l'écoute de France Culture.